Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut s'appeler un orchestre si on joue toute la guitare? Est-ce qu'on peut s'appeler un orchestre? Sur mon dragon, je me souviens du nord. On reconnaît la frappe au tampon. Si le client est mort, toujours honorer le drapeau. Personne n'a prêté allégeance. Le GPS confirme ta présence. Pas vu, pas prédit la légende. Humble dans mon arrogance. Je sais que d'autres ont fait dernière. C'est chacun sa chance. À un moment, faut des adieux. Il règne d'une main de fer. Transforme tout sera en sourire. Ils s'éteignent comme des bougies, moi comme un feu de Californie. J'aimerais avoir petits enfants lors de ce qui s'est passé à Orly. Pour dire que c'était nous les bons. Soit la Hindoula, j'ai bien dormi. Ils ont des machines à neutrons. J'ai une canette, un triangloton. En vrai, je suis gravillon de la planète. Mon iPhone, c'est comme un oeilleton. Fini l'heure de la mijote. Les carottes sont cuites, faut caserti. Billy qui est la l'antidote. Vladimir dit que le thé est servi. Fini l'heure de la mijote. Les carottes sont cuites, faut caserti. Billy dit qu'il a l'antidote. Vladimir dit que le thé est servi. Les citoyens passifs en sueur. En afflux massif de menteur. Niquer des mères, je le fais de bon cœur. Pas besoin d'un influenceur. Vicieux personne. Pas de prince dans la trappe. Tu ferais mieux d'arrêter ton cinéma et de tendre la patte. Pauvre Marie était vierge, elle m'a frappé les doigts dans la chaise. Toi qui étudiais, moi j'ai Google. En deux heures je passe à la barre. Je voulais pas perdre, fallait pas jouer. J'ai plus comme bien ses rapaces. Le nouveau ghetto s'est fait tatouer. Dans de Ahaï à la bague. L'ambiance n'est pas à la fête. J'aurais dû viser la tête. L'ambiance n'est pas à la fête. J'aurais dû viser la tête. Fini l'heure de la mijote. Les carottes sont cuites, faut caserti. Bill dit qu'il a l'antidote. Vladimir dit que le thé est servi. Fini l'heure de la mijote. Les carottes sont cuites, faut caserti. Bill dit qu'il a l'antidote. Vladimir dit que le thé est servi.